What a wonderful world! À la suite de l'auteur de ses jours, dorénavant saine et sauve en son foyer, Maxime reprend le chemin de l'Europe. Cette fois, il enseigne les 12 choix de la compatibilité électromagnétique à Lausanne, Munich et Paris. Depuis la capitale vaudoise, il écrit à Faustine que le 14 novembre, jour de son anniversaire, il a été reçu comme un roi par ses beaux-parents, qui lui ont concocté un papet vaudois, mélange détonnant de poireaux, patates, saucisses au chou. En dessert, il y avait une tourte de la forêt noire surmontée de bougies, un vrai régal pour les yeux et les papilles. Cela étonne moyennement Faustine qui connaît les habitudes de ses parents en matière de fête d'anniversaire. De fête tout court d'ailleurs, tant tout appelle chez eux l'ouverture d'une ou deux bonnes bouteilles. On se croirait au pays des Schtroumpfs, avec banquets et salses pareilles. Après Lausanne et Munich, Maxime retrouve Paris, en pleine crise des euromissiles, avec des attentats partout autour de la Méditerranée et jusqu'en Angleterre. Des rues de plus en plus sales, des grèves, des incivilités en trop grand nombre. Vraiment, ils sont mieux à Gainesville en ce moment. Quant à lui, instructeur le jour, musicien la nuit, il raconte toujours dans la même lettre qu'il est allé faire le bœuf au Sofitel, porte de Sèvres, avec Pierre, Pépé, Muller, un pianiste formidable, un ami de 20 ans. Pépé vient juste de se remarier. Le voilà heureux père pour la première fois à 50 ans. Maxime met en doute ses capacités à assumer ses responsabilités si cela lui arrivait à son âge, lui qui n'en a que 42. Pierre rit. « Tu ne sais pas ce que tu perds. Fais confiance à la vie. Il n'y a que ça de vrai. Et si toi tu ne sais pas, d'autres savent. » Maxime conclut la missive par un « J'ai bien peur d'être en train de changer d'avis. » Prometteur. Sachant Daphné et Faustine seules, John et Marilyn Piper les ont invités. Joe Mer, comme on les appelle, possède une très jolie maison non loin de chez les Malikians. Maxime et Faustine. Un sweet home typique du rêve américain, tout de briques rouges avec piscine et immense pelouse. Sans enfant eux-mêmes, John s'étant fait stériliser suite à une première union catastrophique, ils invitent volontiers ceux de leur importante fratrie pour des pique-niques baignades. Depuis qu'elle les connaît, Faustine est séduite par leur humour et leur rayonnement. Le couple déborde de projets qu'il décrit avec un enthousiasme grandissant à mesure que se vident les galons de scotch. Celui du moment, c'est leur permis bateau. John vient de le passer. Il a désormais droit au titre de capitaine, ainsi qu'au respect accru de son épouse, dit-il avec un clin d'œil en sortant une casquette toute neuve de dessous la penderie. Marilyn, elle, poursuit son initiation. S'il n'y a qu'un seul capitaine à bord, les deux marins se doivent d'avoir les mêmes connaissances. Au lendemain de leur retraite, ils déménageront sur le bateau que le père de Marilyn leur a légué. Ils l'ont réaménagé et rebaptisé Dunmoyne. Actuellement, il est amarré dans le charmant petit port d'Occoquan, sur la rivière du même nom, affluent du Potomac. Faustine adore tous ces noms indiens. Elle a l'impression de remonter 2 siècles en arrière, à une époque où les colons n'avaient pas encore trucidé tous ceux qui les gênaient afin de les spolier de leurs terres et richesses. Par la même occasion, elle apprend qu'en anglais, un bateau est féminin. C'est plutôt contradictoire, non? Pendant longtemps, les femmes n'étaient pas admises à bord des navires parce qu'elles portaient la poisse. Et voilà-t-y pas que les noms des vaisseaux sont féminins? Et qu'on met des figures de proue féminines à moitié nues partout? Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ces bons hommes. Ceci dit, Faustine trouve les Piper vraiment hilarants lorsqu'ils relatent leur turpitude de futurs marins. Voilà des gens qui voulaient simplement finir leur jour dans une maison flottante afin de ne plus avoir à tondre. Ainsi, John et Mère se retrouvent dans l'obligation d'apprendre à nager et d'être capables de faire le tour du monde. Brave et discipliné, ils jouent le jeu. Peut-être parce que John a travaillé pour la CIA ou le FBI, ce n'est jamais très clair, et qu'il en a gardé quelques traumatismes. Pour lui, pas question de tricher. Marilyn prétend que même amarré au port, un bateau peut couler. Par ailleurs, si on le déplace, il faut connaître toutes les manœuvres. Et après tout, qui sait s'ils ne vont pas naviguer un jour ? Bah, se dit Faustine. Faute d'enfants, toutes ces tracasseries ont au moins le mérite de les occuper intelligemment. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas au bistrot, n'est-ce pas ? Sans doute, mais ça ne les empêche pas de boire énormément, sans jamais sembler sous. Daphné écoute et reste sage. Lasse d'attendre qu'il se décide à préparer un repas correct, elle a engouffré tous les biscuits apéritifs. Elle a bien fait. Ici, les hydrates de carbone du whisky remplacent facilement le steak et les légumes. Bientôt, les hôtes se lèvent, invitent les filles à passer à côté. Chez les Piper, il y a deux garages. Le premier, classique pour les voitures, l'autre équipé en salle de jeu. Au milieu trône un magnifique billard et tout autour des dizaines de machines à sous et de flippers. Il y a de quoi s'amuser pendant des heures, ce que ne manque pas de faire les invités en se gavant de pop-corn. Enfin, ils iront s'allonger sur le waterbed de la chambre d'amis. Un lit à eau, voilà encore une invention géniale. Comme si vous étiez bercé par les vagues, le corps complètement détendu. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux qu'il soit chauffé par des résistances électriques ? L'eau et l'électricité, ça ne fait pas bon ménage d'ordinaire. Si ? Ces missions accomplies en Europe, Maxime retrouve ses femmes avec plaisir. Convaincu par Pépé, il s'est habitué à l'idée de devenir père une troisième fois. Faustine ose à peine y croire. Se jure que ce sera un garçon pour changer, mais ne risque aucune remarque déplacée, surtout devant Daphné, qui pourrait mal le prendre. On verra bien. Pour un homme, l'occasion ne se rate pas. Éventuel futur bébé signifie voiture plus spacieuse. La petite Fiat est bien mignonne, mais le caoutchouc autour du pare-brise fuit de plus en plus. C'est désagréable en hiver, quand les linges posés sur les genoux gèlent. On risque de s'enrhumer. Quelques jours plus tard, Maxime trouve une Mustang en vente dans le journal local. Le voilà parti à la découverte. Il revient ravi. La voiture est réservée. Elle est formidable. Modèle de 1972, 8 cylindres en V, une merveille, je te dis, juste 1 200 $. Faustine ne sait absolument pas ce que ça veut dire, cette histoire de cylindre en V, mais elle mémorise les détails. Elle saura bien les replacer le moment venu. Maxime racle les fonds de tiroir, puis va chercher la machine. Effectivement, elle est superbe. Jaune soleil, intérieur en cuir blanc. Faustine est d'autant plus conquise qu'il la met à son nom, vu qu'il a eu quelques déboires pour excès de vitesse autrefois, et que l'assurance a trop bonne mémoire. Depuis, il a acheté un détecteur de radar. Faustine sourit. Ah, son homme, qu'il est drôle avec ses magouilles. D'autant que depuis qu'il a trouvé ses appareils, il en inonde le marché français. Tout juste, il n'est pas revendeur officiel de la marque. En France, ils sont formellement interdits, bien sûr. Mais ses amis musiciens, toujours sur les routes au milieu de la nuit, lui sont vraiment reconnaissants. 15 jours après avoir acheté la Mustang, alors qu'il rentre d'un concert à Washington, Maxime téléphone. Il est 2 heures du matin. Il a dû laisser sonner un bon quart d'heure avant que Faustine se réveille et réagisse. Il est sur l'autoroute, moteur en panne. Il a entendu flop, flop, flop. La voiture a ralenti inexorablement jusqu'à l'arrêt complet. Il a juste eu le temps de la garer sur la bande d'arrêt d'urgence. Est-ce que Faustine veut bien venir le chercher avec la Fiat ? Heureusement qu'ils ne l'ont pas encore revendue. Faustine se précipite. Récupère son homme, coince son mouchoir dans la vitre pour signaler la panne. Ça n'évitera pas l'amande salée qui leur pend au nez, mais ça les protégera de la fourrière. Demain, on s'occupera des réparations. Un moteur tout neuf pour 2 000 $. Merci, Don White, de faire le banquier. Ah, ben tiens, et si on fêtait ça sur l'oreiller ? Depuis qu'il s'est habitué à l'idée du futur bébé, Maxime ne cesse de s'entraîner. En décembre, les 3 Frenchies fêtent Noël au bureau avec Colin et la grande famille de Vici. Ici, pas de messe de minuit, mais du eggnog, un lait de poule bien corsé et relativement traître, comme Faustine le constatera le lendemain au réveil. Pour le reste de la dinde farcie, du gratin et des légumes. Ce n'est pas différent des Noëls européens. Pour changer, la Suissesse s'est donnée à fond pour les biscuits. Il y en a pour tout le village. Le 31 au soir, Max joue dans une boîte de Washington. Faustine et Daphné l'accompagnent et fêtent la nouvelle année avec les autres femmes de musiciens et tous leurs amis. 5 semaines plus tard, nous sommes en février. Visa expiré signifie pour Faustine nouvel aller-retour en Europe. Maxime n'a plus ce problème, lui, depuis qu'il a reçu sa carte verte. Sachant qu'ils retourneront vivre en France dans quelques années, Faustine ne voit pas l'utilité de solliciter le bout de plastique tant convoité par d'autres. Ayant assez souffert des lourdeurs administratives avec ses permis français, elle estime le visa de touriste amplement suffisant pour les quelques mois qu'il lui reste à passer dans ce pays, que par ailleurs elle apprécie de moins en moins. Pendant leur absence, Daphné sera hébergée chez les Piper. Le bus scolaire passe à proximité. Marilyn est ravie d'avoir une invitée. Le cœur léger, Maxime et Faustine s'envolent pour les Arcs où, comme chaque année, le clarinettiste est attendu, contrat d'une semaine à la clé. Ils y retrouvent Anaïs, venue les rejoindre à l'occasion de ses vacances scolaires. Son père ne l'avait pas revue depuis l'été précédent. Il lui fait fête. La petite a bien grandi. Quel beau brin de fille. Faustine se sent beaucoup d'affinité avec elle. Elle se réjouit vraiment de l'accueillir à Gainesville l'automne prochain. En attendant, la petite suivant son père partout, sa belle-mère est exceptionnellement dispensée de pistes rouges ou noires, ainsi que des habituelles engelures. Par contre, elle profite à loisir du sauna. Quelles belles vacances! Gavées de soleil, d'apremont, de tartiflettes, de tartes aux myrtilles et de fromage blanc du coin, le trio prend des couleurs, se retrouvant à midi à mi-chemin des pistes et le soir au concert. Au retour des vacances, on roule au pas pendant 8 heures jusqu'à Albertville. On rattrape le temps perdu dans la vallée du Rhône. On dépose Anaïs à Genève coin train. Elle redescend à Cagnes. Enfin, Maxime et Faustine s'installent au Petit Lancy, un quartier de Genève où aura lieu le prochain cours. Les jours suivants, Faustine se promène longuement dans cette ville qu'elle affectionne. Après tout, n'est-ce pas là qu'elle a passé les 5 premières années de sa vie? Il doit en rester des traces, non? Ceci dit, la semaine dernière, elle aurait dû avoir ses règles. Ne nous affolons pas. Ce n'est pas la première fois qu'elle saute quelques jours. Les voyages, l'avion, la voiture, les secousses. Mais d'ordinaire, ça aurait plutôt tendance à accélérer le processus. Bagne aux dents, elle passe par hasard devant une pharmacie. Qu'est-ce qu'elle risque après tout? Elle entre. Timide, elle attend que tous les autres clients soient servis avant de faire sa demande à la pharmacienne. « Je voudrais un test de grossesse, s'il vous plaît. Que me conseillez-vous? J'ai 10 jours de retard. » On lui propose plusieurs modèles, plus ou moins efficaces. Qu'elle ne se fasse pas trop d'illusions, il est difficile de faire des prédictions dans un délai si bref. Oui, mais en général, j'ai plus facilement de l'avance que du retard. La pharmacienne lui propose un produit. Ouvre la boîte, déplie le mode d'emploi, le lit à haute voix, commente. Une petite fille d'une dizaine d'années est entrée dans l'intervalle. Plantée à côté de Faustine, elle écoute avec attention. Puis elle la détaille de la tête aux pieds et remarque avec un gros soupir d'envie. « Qu'est-ce que vous devez être malade, vous ?»« J'espère bien. Ça fait un moment que je l'attendais, celle-là. » En riant, elle prend la boîte, paye et sort. Se retient de courir jusqu'à l'hôtel. Dans la chambre, elle ouvre le test, va aux toilettes, suit la procédure. Quelle est interminable cette attente! Que d'idées vous passent par la tête? Est-ce que, oui, non, il n'y a pas de peut-être? Oh mon Dieu, je voudrais tellement que, s'il te plaît, tout puissant, fais que... And the winner is... Et le gagnant est... Positif! Faustine, 27 ans, va devenir maman. Maman. Ce mot prend tout à coup une autre dimension. Rire, pleurer, a-t-elle bien fait? N'est-ce pas une erreur? Elle l'a tellement voulu. Et voilà que ça se réalise. Elle n'ose pas y croire. Et s'il n'y arrivait pas? Et voilà. la peur qui s'infiltre, qui coupe les jambes, qui annule la joie. Mais très vite, celle-ci revient, primaire, animale, ce corps en soi qu'on ne sent pas, mais qui est là, qui existe, irrémédiable. Plus de retour en arrière possible, un vrai miracle. Ce soir, Faustine accueille Maxime, sourire jusqu'aux oreilles. Il ne se rend compte de rien. Comment le pourrait-il? Ce n'est que quand elle refuse l'apéritif offert qu'il demande « Tu es malade ?»« Oui, j'en ai pris pour 20 ans, au minimum. »« Tu veux dire que... »« Oui !»« Oh, mon amour, quelle bonne nouvelle !»« C'est vrai? Tu ne m'en veux pas trop ?»« Bah, j'aurais pu faire sans. » Mais si ça te rend tellement heureuse, je suppose que ça en vaut la peine. Oui, tu as tout compris. Je suis vraiment comblée. Tu verras, tu ne le regretteras pas. 2 jours plus tard, le couple, passager clandestin inclus, reprend le chemin des États-Unis. Faustine ne ressent rien qu'une immense joie intérieure qu'elle s'efforce de masquer pour ne pas attirer la malchance. Elle a peur que son bonheur se débine si elle montre trop à quel point elle l'attendait. Le vol se passe aussi bien que d'habitude, jusqu'à l'arrivée à Kennedy Airport. À la différence des autres fois, Maxime est désormais muni de sa carte verte et remarié. Et les douaniers n'aiment pas ça du tout. « Veuillez me suivre, madame. »« Monsieur, vous pouvez nous attendre là-bas. » Non, je vous accompagne. Il n'est pas question que je laisse ma femme seule. » Maxime s'impose, suit l'officier qui les emmène dans une cellule sinistre où ils attendent plus d'une heure qu'un agent des services de l'immigration s'occupe d'eux. Évidemment, ils ont raté leur correspondance pour Washington. L'homme arrive enfin, passeport de Faustine en main. Il pose 100 000 questions sur ce qu'elle compte faire dans ce pays. Lorsque Maxime tente une réponse, il lui demande sèchement de laisser parler son épouse. Faustine commence doucement à paniquer. Elle est épuisée aussi, émotionnellement et physiquement. Elle n'a pas beaucoup dormi la nuit passée, encore moins dans l'avion. À quelle sauce va-t-il la manger, cet homme impitoyable ? Il lui dit que cela fait 3 ans qu'elle bénéficie de visas de tourisme, qu'elle passe la plus grande partie de l'année ici, sans justification. Sans payer d'impôts, oui, c'est tout ce qui les intéresse. Ce n'est plus possible. Désormais, son mari a une carte verte. Elle doit en demander une aussi. Et jusqu'à ce qu'elle la reçoive, il lui faut sortir du pays. C'est obligatoire. Et en attendant le départ du prochain avion, on va vous mettre dans une cellule où vous pourrez dormir. Oh non ! Faustine a hurlé. Elle ne veut pas être séparée du père de son enfant. Elle est au bord des larmes, très angoissée, en état de choc. Comment faire toute seule? Sans moyens, en France ou en Suisse pendant sa grossesse. Elle refuse de rentrer chez ses parents. Ils ne peuvent tout de même pas séparer un couple légalement marié. C'est insupportable. Maxime tente vainement de la calmer. Lui ne se laisse pas impressionner aussi facilement. Une fois qu'il a accusé le choc, il réagit et demande aux fonctionnaires d'appeler Walter Loupy, le vice-président responsable des visas au bureau de Virginie. Walter appelle l'avocate de Dvissy, laquelle exige qu'on relâche immédiatement Faustine. De longues tractations s'ensuivent entre elle et les agents. Flairant une entrée illégale avec éventuellement du travail au noir à la clé, en quoi ils n'ont pas tout à fait tort, il faut bien dire ce qui est. Les agents de l'immigration refusent de lâcher le morceau. Ils veulent que Faustine passe devant un juge de New York qui statuera si oui ou non elle peut rester avec son mari jusqu'à ce que ses papiers soient en règle. Et extorquer une caution au passage? Mais l'avocate obtient que Faustine ait affaire au tribunal de Washington puisque les époux vivent en Virginie. Finalement, Faustine peut s'en aller, mais sans son passeport qui est confisqué et sera transmis directement au juge concerné. Le dernier avion pour Dulles part dans 10 minutes. Maxime s'empare des bagages, heureusement légers, et le couple se précipite. Il court à perdre haleine jusqu'au terminal. Faustine se dit que si son bébé ne tombe pas maintenant, c'est qu'il est bien accroché. Elle pleure de soulagement. Quand, à bout de souffle, elle s'effondre dans son fauteuil volant. Il est plus de minuit quand enfin ils arrivent à Gainesville. La nuit sera courte. Le lendemain, à la première heure, Walter et l'avocate se rendent à Washington plaider la cause de Faustine. Maxime m'a bien dit « Si on la renvoie, je pars avec elle. Débrouillez-vous entre vous. » Ils obtiennent une dérogation. Faustine pourra rester aux USA le temps que sa carte verte soit prête, mais elle devra aller la chercher à Paris le moment venu. Même si elle n'en veut pas, elle est obligée d'en faire la demande du fait que son mari en possède une. Et on devrait lui rendre son passeport prochainement. Apprenant la situation intéressante de Faustine, son avocate éclate de rire et lui dit « Ah, mais c'est parfait ça. À 6 mois de grossesse, plus aucune compagnie aérienne ne peut vous prendre à son bord. Question d'assurance. Alors d'ici là, ma petite, faites profil bas et grossissez, grossissez, grossissez !»